طيب وكمس إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم دوك الحمد لله Avant de commencer le cours, alhamdoulilah, j'aimerais en profiter de l'occasion du fait qu'on est réunis aujourd'hui, alhamdoulilah, puis qu'il y a plusieurs frères, dans la nouvelle mosquée, Masjid Dhun Nourain, la mosquée d'Othman ibn Affan, Dhun Nourain. Alhamdoulilah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte cet effort qu'on fait. Pour essayer d'établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, établir les salawat, établir les durus, établir la da'wah. Alhamdulillah, ça fait des années que je rêve de ça, puis finalement, alhamdulillah, ça s'est réalisé cette année. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse en chaque chose, et nous, on ne sait pas, et c'est lui qui sait. Donc, alhamdulillah, si c'était prévu, si Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné que ça devait être maintenant, donc, il y a une sagesse là-dedans, alhamdulillah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'on a commencé dans cette voie, qu'il nous donne la force et la patience et la fermeté pour être capable de rester sur cette voie. Parce que des fois, on imagine que le début, c'est la fin, alors que le début, c'est le début. C'est-à-dire qu'on prend nos débuts pour des fins, parce qu'on avait un objectif et on l'a atteint. Et on s'imagine que ça y est, c'est la fin, maintenant on a réussi. Alors qu'en fait, c'est le début. C'est le début de l'épreuve maintenant, c'est le début du chemin. Et maintenant, c'est d'aller sur ce chemin-là, puis de rester ferme sur ce chemin, pour être capable d'être reconnaissant envers Allah, puis continuer à faire qu'est-ce qu'on a promis de faire, inshallah, comme il faut. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide là-dedans. Et la mosquée, alhamdulillah, le nom de la mosquée, Dhun Nourain, bon, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai contacté le cheikh Mohammed bin Ramzan Al-Hajiri et je lui ai demandé s'il avait une suggestion à nous faire pour un nom de mosquée, puisque je lui ai parlé du projet depuis le début. Et à chaque fois que j'avais lors de sa visite, donc quand il est venu la dernière fois, je lui ai parlé et je lui ai fait part de mon intention d'ouvrir une mosquée et il m'a encouragé depuis le début et il m'a soutenu dans cet objectif là et il m'avait même dit à l'époque que il m'a dit inshallah lorsque vous allez trouver l'endroit et lorsque vous allez avoir la place je vais venir moi-même pour l'inauguration de cette mosquée inshallah. Donc j'étais très content et puis à chaque fois que je trouvais un local je lui envoyais les photos, les informations et je prenais son point de vue et si c'était bon alors là j'informais les autres frères et si ça marchait par la suite alhamdoulilah sinon s'il y avait un problème eh bien je laissais tomber jusqu'à ce que on trouve quelque chose d'autre et là alhamdoulilah cette fois-ci ben, quand on a trouvé cette place je lui ai envoyé les photos et tout et puis alhamdoulilah le prix était bon, la place était bien, tout, donc on a accepté. Et je lui ai demandé s'il avait une suggestion comme nom pour donner à la mosquée. Il m'a dit Othman ibn Affan, Adou al-Khawarij wal-Rafida. Il a dit l'ennemi des Khawarij et des Rafida. Et là, j'ai cherché sur Internet la liste des mosquées à Montréal et j'ai trouvé qu'il y avait déjà une moussalla qui s'appelait Masjid Othman ibn Affan. C'est dans le quartier de Parc Extension. C'est les Pakistanais qui l'ont ouvert. Alors j'ai dit, bon, puisque ça s'est pris, Othman ibn Affan, on sait qu'aussi il s'appelle Zun Nourain, hein, parce qu'il a épousé deux des filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Zun Nourain, ça veut dire celui qui possède les deux lumières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné en mariage à Othman ibn Affan sa fille, une de ses filles, et elle est décédée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné en mariage une autre de ses filles. Et elle aussi est décédée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Othman radiyallahu anhu, si j'avais une troisième, je te l'aurais donnée. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Othman ibn Affan. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Zun Nourain, justement parce qu'il avait épousé deux de ses filles. Deux des filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à cause de ça et à cause du fait que, comme on sait, les Khawarij, c'est les premiers qui ont sorti contre Othman ibn Affan, qui l'ont assassiné. Hein? Donc ils détestaient Othman ibn Affan. Et ça c'est un des signes des gens de Bid'a, qu'ils détestent les Sahaba, qu'ils détestent les Salaf al-Salih, qu'ils détestent leur manhaj et leur voie, et leur aqidah. Et aussi les Rafida, qui le détestent aussi. Hein? Et qui l'insultent, et ainsi de suite. Et on a vu ça exprimé même dans les paroles de Sayyid Qutb, quand il insulte Uthman dans ses livres, dans son tafsir, et quand il dit que le khilafa de Uthman, c'était un trou, ou un espace entre le khilafa de Omar et de Ali, radiallahu anhu. Hein? Donc, c'est pour montrer comment il le dénigre, et comment il le rabaisse. Donc les gens de Ahl al-Sunnah, au contraire, on aime Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, et c'est le troisième des Khulafa al-Rashidin. Et c'est Zun Nourain, et il a beaucoup d'autres attributs et beaucoup d'autres caractéristiques glorieuses et caractéristiques louables. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler, peut-être dans un autre cours qu'on fera sur ce sujet, Inch'Allah. Mais c'est juste, ça me fait plaisir de voir les frères réunis aujourd'hui dans la mosquée parce que c'est quelque chose qui fait partie des choses que j'avais rêvé depuis longtemps. Donc le fait que ça se réalise aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est quelque chose de positif. Ouais, c'est quelque chose d'émouvant, mais alhamdoulilah. On retient nos larmes, Inch'Allah. Donc, on va commencer le cours aujourd'hui, le cours de Al-Usul al-Thalatha. On est rendu au cours 35. Et on a fini Al-Usul al-Awwal. On est sur la fin de Al-Usul al-Awwal. Et on va le finir. Et on va commencer Al-Usul al-Thani, Inch'Allah. Donc, le cours 35, on commence. Wa fil hadith al-du'a ou mukhul ibada. Al-du'a mukhul ibada. C'est-à-dire que l'adoration, c'est le centre de l'adoration. Le du'a, c'est le centre de l'adoration. C'est la pulpe de l'adoration. C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Le fruit, un fruit, on le divise en deux. Souvent, on parle de la pleure du fruit, puis l'intérieur du fruit, c'est la pulpe, qu'est-ce qu'on appelle al-mukh. On appelle aussi le cerveau mukh. Hein? Il y a le crâne, puis à l'intérieur il y a le cerveau, donc on l'appelle mukh aussi. Donc ad-du'a, c'est le mukh par rapport à l'adoration, hein, c'est le centre, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans cette adoration là et même si cette narration là elle est faible, il y a une autre narration qui vient la supporter et qui a un sens encore plus fort. C'est ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire le du'a, c'est l'adoration. Donc le cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah, il dit « وفي الحديث الدعاء مخ العبادة أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله باب ما جاء في فضل الدعاء وانظر مشكات المصابيح في كتاب الدعوات وقال عنه الألباني إسناده ضعيف وفيه ابن لهيعة وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ. Il dit ici Luhayba, mais je crois que c'est une erreur d'imprimerie, c'est Ibn Luhay'a. Ibn Luhay'a, وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ. Donc la chaîne de ce hadith, elle est faible. Et la narration qui est authentique, c'est الدُعَى هُوَ الْعِبَادَ. الدُعَى هُوَ الْعِبَادَ, c'est-à-dire le dua, c'est l'adoration. D'accord. Le cheikh, il explique, il dit إلا أنه يشهد له حديث صحيح بمعنى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وأن الدعاء بنوعيه دعاء العبادة ودعاء المسألة هما أساس الدين وقاعدته ومن ذلك قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والدليل قوله تعالى يعني وذكر الايه. Donc le cheikh explique, il dit que le dua dans ces deux sortes, que ce soit le dua d'adoration ou le dua de demande, parce qu'il y a deux formes de dua, dua de demande, c'est-à-dire quand tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Hein, mais on l'appelle dua ul mas'ala. Et à dua ul ibada, c'est-à-dire le dua dans lequel tu fais juste glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et faire le, yani ses éloges. D'accord? Mais dans ces deux sortes de dua, yani on l'appelle adoration. Parce qu'il y a des gens de bid'a qui disent que le dua c'est pas une adoration. Il y a des gens de bid'a qui disent que le dua c'est pas une adoration. Pourquoi? Parce que eux, ils se permettent d'invoquer des morts et des saints. Et ils disent, c'est pas grave d'invoquer les morts et les saints parce que d'invoquer quelqu'un, c'est pas une adoration. Et nous, on leur répond avec ce hadith, Ad-du'a ou al-ibada. Oui, c'est une adoration puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, yani, Ad-du'a ou al-ibada. L'adoration, c'est le du'a. Hein? L'adoration, le dua, c'est tellement une grande forme d'adoration qu'on peut dire que c'est l'adoration en soi. Hein? Et une autre preuve même du Coran qui prouve que le dua est une adoration, regardez le verset que le cheikh a mentionné comme preuve, le verset 60 dans Surat Ghafir. Le verset 60 dans Surat Ghafir, et observez bien, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là? وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Et il dit ensuite, ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration. Donc au début il dit, invoquez-moi. Puis après, il dit, ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration. Donc, ça veut dire, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Hassan, mashallah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dua, le fait de m'invoquer, c'est une adoration. Et ceux qui s'enflent d'orgueil, lorsque on leur demande d'adorer Allah, eh bien, c'est la preuve que hein, le dua, c'est une adoration. Et qu'ils vont rentrer en enfer humiliés. Hein, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Le shaykh explique ça justement. Il dit, ad'ouni astajib lakum amrun sarihun bittawajjuh bid'a al-ibadati wa du'a al-mas'alati ila Allah wahdahu. Fahuwa alladhi amara bil-ibadati wa du'a wa wa'ada bil-istijaba. Wa huwa la yukhlifu al-mi'ad. بل هو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهو من الإيمان بالله والاستجابة له ولرسوله. Donc le cheikh il dit, le verset quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Ghafir dans le verset 60, invoquez-moi je vais vous répondre, c'est un ordre clair et explicite du fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala lui seul pour notre adoration. Que ce soit dans le dua d'invocation ou le dua de demande. Le dua d'adoration ou le dua de la demande à Allah. Dans les deux cas, on doit se tourner uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces formes d'adoration-là. Et c'est lui qui nous a ordonné de l'adorer. Hein, il nous ordonne de l'adorer et de l'invoquer. Et il nous a promis qu'il va nous exaucer si on l'invoque. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse, même qu'il est proche de celui qui l'invoque lorsqu'il l'invoque. Et ça fait partie de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit « وَالِسْتِجَابَةُ لَهُ » وَالِسْتِجَابَ لَهُ وَلِرَسُولِهِ. Donc ça fait partie d'invoquer Allah, ça fait partie de la foi en Allah, et ça fait partie de répondre à l'appel d'Allah et l'appel de son messager sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah nous ordonne de l'invoquer et le messager d'Allah nous ordonne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَذَّرَ مِنَ الْإِسْتِكْبَارِ مِنْ عَنْ عِبَادَتِهِ بِقَوْلِهِ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والوعيد الشديد فيه معنى النهي عن عبادة غير الله والاستكبار عن عبادة الله. وكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مستكبر لا شك. وكل من ترك عبادة الله سواء عبد غيره أم لم يعبد غيره فهو ممن دخل تحت هذا الوعيد الشديد، علما أنه لا يوجد أحد يترك عبادة الله إلا ويميل بعبادته إلى غير الله. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a également averti de faire preuve d'orgueil et d'arrogance. C'est-à-dire, dans notre adoration, qu'on ne doit pas faire preuve d'arrogance et d'orgueil. Comme il mentionne dans le verset, justement, ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration, ils rentreront en enfer humiliés. Et ça, c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie le fait que c'est interdit d'adorer autre que Allah. Donc, premièrement, on n'a pas le droit d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit de s'enfler d'orgueil vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un offre une adoration quelconque à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, en offrant une adoration quelconque à autre que Allah, alors soit il est orgueilleux, hein, il s'est enflé d'orgueil, ça il n'y a pas de doute, et toute personne qui a abandonné l'adoration d'Allah, soit parce qu'il a adoré autre que lui, ou soit qu'il n'a pas adoré autre que lui, mais il a abandonné l'adoration d'Allah, alors il est sous la menace de ce verset. Et il dit, et on sait très bien que si quelqu'un abandonne l'adoration d'Allah, eh bien, c'est presque yani, automatique qu'il va adorer d'autre que lui. C'est-à-dire, si quelqu'un n'adore pas Allah, c'est presque automatique qu'il va adorer et qu'il va pencher vers l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama, ils le divisent de cette façon-là. Ils disent, celui qui adore pas Allah, hein, ou qui rejette par exemple l'adoration d'Allah ou l'existence d'Allah, c'est un arrogant, quelqu'un qui est moustakbir, et c'est un kafir. Quelqu'un qui adore Allah mais qui adore d'autres avec lui. Il adore Allah, il adore d'autres avec lui, c'est un mushrik. Et quelqu'un qui adore Allah seul, qui n'associe rien avec lui, et ça c'est un muslim, muwahhid, quelqu'un qui est sur le tawhid. Le cheikh il dit, وَقَدْ لَا يَرَى أَنَّهُ يَعْبُدُ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ أَوْ لَا يَرَى أَنَّهُ يَعْبُدُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُ الْهَوَى الَّذِي تمكن من قلبه حتى صرفه عن عبادة الله. Le cheikh il dit que c'est possible que tu vois pas cette personne adorer des idoles ou des statues ou des choses. Il n'adore pas des choses physiques en dehors d'Allah. Tu le vois pas adorer le soleil, tu le vois pas adorer la lune, mais il adore la passion. Il adore la passion qui a pris le contrôle sur son cœur, jusqu'à ce qu'il commence à se détourner de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال يعني تحذير لأهل الإيمان من أن يصل بهم الخوف من مخلوق يعتقدون بأنه يتصرف فيهم بإنزال الضر أو صرف الخير عنهم لأن هذا بيد الله جل وعلا. Donc il mentionne un autre verset au sujet de la crainte et la preuve qu'on n'a pas le droit de craindre autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne le verset qui dit dans surat Al-Imran 175: et ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Hein? Et on a parlé de ce verset-là dans les cours précédents, et on a expliqué que le croyant, il n'a pas le droit de craindre autre que Allah. Et qu'il y a parmi les craintes que tu as de autre que Allah, ça peut te faire tomber dans le shirk. Par exemple, quelqu'un qui a peur d'une idole. Il a peur que l'idole des mushrikines le frappe par un mal quelconque. Hein? Et les mushrikoun, ils sont forts pour essayer de faire peur aux gens avec leurs idoles. Ils disent aux gens, si tu parles contre nos idoles, si tu critiques nos idoles, eh bien, nos idoles vont te frapper avec un mal. Hein? Ou bien même les soufis, parfois, quand ils ont peur de leur cheikh, parce qu'ils pensent que le cheikh soufi a la connaissance de ce qu'il y a dans le cœur des hommes, et que s'il pense un mal de son cheikh, que le cheikh il voit dans son cœur, il va lui enlever sa foi. Alors il dit, fais attention, le cheikh il sait qu'est-ce que tu as dans ton cœur, et si tu parles contre le cheikh et tu dis des choses sur le cheikh, il sait qu'est-ce que tu dis, même si tu es dans un endroit caché ou loin, il entend qu'est-ce que tu dis et il va t'enlever ta foi. Il y a des soufis qui croient comme ça à propos de leur cheikh. Et de croire comme ça et d'avoir cette crainte, hein, qu'est-ce que les ulama appellent le khawf al-sir, hein, ou bien yani khawf al-ibada, ça c'est shirk akbar. Et ça fait sortir de l'islam. T'as peur d'une créature comme t'as peur d'Allah. Ça c'est shirk akbar. C'est un shirk majeur. Il y a une autre peur qui peut rentrer dans yani, qu'est-ce qui est contraire à l'islam, qui rentre dans qu'est-ce qui est haram, mais qui ne va pas nécessairement être une forme de shirk akbar, mais qui peut rentrer parfois dans certaines formes de shirk akbar aussi, ça dépend dans certains cas. C'est lorsque quelqu'un il a peur des hommes plus que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que par exemple il a peur des hommes du fait que s'il applique la religion d'Allah, les hommes vont lui faire des problèmes, vont lui faire du tort. Et lui, il a peur des hommes et de leur punition plus que du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il abandonne l'ordre d'Allah et la religion d'Allah pour satisfaire et pour faire plaisir aux kuffars. Alors ça rentre aussi dans qu'est-ce qui est interdit, dans qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est dangereux, et ça peut même amener quelqu'un à tomber dans le coffre. Parce que si tu vas dire, ah mais les kuffars ils veulent pas que yani, j'adore Allah, je vais arrêter l'adoration d'Allah parce que sinon ils vont me donner des problèmes, ou je vais pas travailler, ou je vais pas ci, je vais pas ça, ça peut même t'amener à tomber dans le coffre à la fin, hein? Donc c'est dangereux ça. Il y a beaucoup de gens comme ça à notre époque. Ils disent, ah mais les kuffars ils veulent pas que je garde la barbe, si je garde la barbe ils vont pas me donner un travail, si je fais la salat au travail ils vont me mettre à la porte, si je fais ci ils vont faire ça, si je fais ci, là tu commences à avoir peur plus des kuffars que d'Allah, et ça devient dangereux comme ça par la suite pour ta foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fala takhafuhum wa khafuni, ne les craignez pas eux mais craignez-moi si vous êtes croyant. Parce que si tu as la foi, tu as la croyance en Allah, tu dois mettre ta confiance en lui. Et savoir qu'il n'y a rien qui peut t'arriver de mal, sauf ce que Allah a écrit pour toi. Il n'y a rien qui peut t'arriver de bien, sauf ce que Allah a écrit pour toi. Et le cheikh, il mentionne ensuite toutes sortes d'adorations et les preuves de chacune, comme c'est mentionné dans les textes, le texte de Al-Usul al-Thalatha. Il dit, Ben, je vais les lire d'un seul coup, puis je vais les traduire après. Ou bien je vais les traduire directement. Comme ça, ça va être plus rapide. Hein? Dalil al-Raja, la preuve de l'espérance. Il mentionne le verset 110 dans Surat al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا. Donc c'est celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien avec Allah dans son adoration pour son Seigneur. Le verset, la preuve de At-Tawakkul, le fait de mettre notre confiance en Allah. Le Cheikh il a mentionné deux preuves. Le verset 23 dans Surat Al-Ma'ida et le verset 3 dans Surat Al-Talaq. Et il mentionne le verset qui dit وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. C'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Et le verset 3 dans Surat Al-Talaq وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Donc le croyant, il doit apprendre à mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une condition dans la foi. Hein? Et si tu mets ta confiance en une idole, ou en une croix, ou en une statue, ou en un être humain, ou un djinn, ou un saint, ou un prophète, tu deviens mushrik. Hein? Parce que tu es associé avec Allah dans l'adoration. وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ. La preuve de l'amour, de la crainte et de yani, l'humilité. Que c'est des adorations et qu'on doit uniquement avoir ça pour Allah seul. Le verset 90 dans Surat Al-Anbiya, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. C'est-à-dire, en parlant des prophètes d'Allah, c'est dans Surat Al-Anbiya, la Surat des prophètes. Donc Allah décrit les prophètes et après avoir mentionné les prophètes, il dit ils se précipitaient vers les bonnes œuvres et ils nous invoquaient avec amour, avec crainte, et ils étaient humbles envers nous. Ça réfute les khawarij, ça réfute les soufiya, ça réfute les murdia. Hein? Parce qu'on a expliqué que le croyant, il doit être entre l'amour et la crainte et l'espoir. Et qu'il ne doit pas tomber dans l'extrême d'adorer Allah juste par une de ces trois choses. Il doit les adorer, il doit adorer Allah avec ces trois choses réunies. Et que s'il fait il se penche uniquement sur une d'entre les trois et qu'il laisse les autres, il tombe dans l'extrémisme. Hein? Comme les chrétiens, par exemple, ils adorent Dieu juste par l'amour. Ils disent Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Et puis après, ils font tous les péchés du monde et ce n'est pas grave, Dieu est amour. Mais ils oublient qu'il est aussi juste et qu'il est dur en châtiment, hein, et ainsi de suite. Donc tu ne vas pas juste prendre une attribut d'Allah ou un seul de ses noms, puis tu te concentres juste sur ce nom-là, tu oublies les autres. Hein? Donc c'est ça ce que les chrétiens font malheureusement. Et les autres, ils adorent Allah juste par la crainte, les khawarij. Ils adorent Allah juste par la crainte. Et ils oublient qu'Allah, hein, il aime et qu'il est pardonneur et qu'il est miséricordieux. Donc ils adorent Allah par la crainte, ils font des péchés, et quand ils font des péchés, ils perdent espoir en la miséricorde d'Allah, et ils se disent, Dieu va jamais me pardonner, ça y est, c'est fini. Et donc, ils disent, dans ce cas-là, ça ne sert plus à rien de faire du bien ou de faire des bonnes œuvres parce que je suis perdu. Alors ils abandonnent le bien au complet, et ils deviennent les pires dans le mal. Hein? Donc ça c'est un autre exemple de ça. On a parlé de ça dans les cours précédents aussi. Puis, on a l'exemple des soufis aussi qui disent, nous on n'adore pas Allah comme des commerçants pour un intérêt. Comme si on n'adore pas Allah pour son paradis. Puis on n'adore pas Allah par crainte de son enfer. Nous on adore Allah juste par l'amour. Juste par l'amour d'Allah. Et en disant ça, ils sont en train d'attaquer les prophètes d'Allah. Et de contredire la voix des prophètes, parce que les prophètes d'Allah, Allah les a décrits comme étant des êtres qui adoraient Allah avec l'amour et avec l'espoir et qui craignaient le châtiment d'Allah et qui espéraient sa récompense. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. Au contraire, si tu dois suivre l'exemple des prophètes, eux, ils essaient de dire non, il y a quelque chose de mieux que la voix des prophètes, c'est d'adorer Allah juste pour Allah seulement. Hein? Pas pour son paradis, pas par crainte de l'enfer. Après, il mentionne la preuve de Al-Khashya, le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, Fala tachshawhum wa khshawni. C'est la même chose. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Et la preuve de Al-Inaba. Al-Inaba, on a expliqué que c'est comme la repentance. Al-Tawba, Al-Inaba. C'est deux mots qui se ressemblent et qui sont proches dans leur signification. Hein? Masha'Allah. Il dort. J'ai oublié comment il s'appelle. Yahya. Masha'Allah. Parce qu'on ne s'est pas vu beaucoup depuis qu'il est né. C'est pour ça. Subhanallah. Khair, Inch'Allah. Donc, Al-Khashya, on a dit Al-Inaba. Il est trop bien là, Inch'Allah. Al-Isti'ana, le fait de demander l'aide d'Allah. On la demande que à Allah. Donc, Al-Inaba, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Le verset 54 dans Surat Al-Zumar. Et la preuve de Al-Isti'ana dans Surat Al-Fatiha, on la récite dans chaque rak'ah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ça c'est al-isti'ana. Et le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, nous enseigne de dire, hein, ou bien il a enseigné à Ibn Abbas de dire, فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu demandes l'aide d'Allah. Tu ne demandes pas l'aide des idoles, l'aide des créatures, l'aide des prophètes, l'aide des anges. Non, tu demandes l'aide d'Allah seul. ودليل الاستعاذة الفعل de chercher le refuge tu cherches le refuge que en Allah. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل أعوذ donc قل أعوذ c'est-à-dire dis je cherche le refuge برب الفلق le maître de le seigneur de l'aube et قل أعوذ برب الناس je cherche refuge en le Seigneur des hommes. Et al-istighatha iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, le verset 9 dans sourate al-anfal. Lorsque vous demandiez ou cherchiez l'aide de votre Seigneur, vous l'appeliez au secours et qu'il vous a exaucé. Al-istighatha c'est talab al-ghawth, tu demandes que Allah te donne son secours et qu'il t'aide. دليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. La preuve que الذبح, le fait de sacrifier, d'immoler un animal pour Allah, c'est une adoration. Et t'as pas le droit d'adorer Allah, t'as pas le droit d'adorer autre que Allah ou d'égorger un animal pour autre que Allah. Et de sacrifier pour autre qu'Allah, comme pour une idole, ou pour un saint, ou pour une tombe, ou des choses comme ça, comme le font malheureusement certains d'entre les gens qui ont accepté le shirk comme religion, malheureusement, ils adorent d'autres qu'Allah en sacrifiant pour autre qu'Allah. Et la preuve que le fait d'immoler ou d'égorger un animal pour Allah, c'est une adoration. Si tu le fais pour Allah, le verset 162 dans Surat Al-An'am dit ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et dans la Sunna, man la'ana Allah man dhabaha li ghayrillah, que Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre que Allah. Et dalil al-nadhri qawluhu ta'ala يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. C'est-à-dire le fait de faire un vœu pieux, hein? Donc ça c'est quelque chose qui est une forme d'adoration, que lorsque tu fais un vœu pieux, tu le fais que pour Allah, hein? Tu fais pas de vœux pour autre que Allah, comme pour les aux idoles ou des choses comme ça, comme le font certains aux saints aussi. Ils vont dans une tombe et puis ils disent au mort qui est dans la tombe, si tu guéris mon malade, eh bien je vais venir faire un don, une sadaqa ou quelque chose à ta tombe, des choses comme ça. Ou à égorger un animal, ou faire des choses comme ça. Donc ça fait partie des exemples. Donc ça vient conclure Al-Aslu Thani, Et dans les cours précédents, bon, on a parlé de ça en détail. Maintenant, on a fini l'aslu l'awwal. Maintenant, l'aslu thani, ma'rifatu din l'islami bil adilla. Le fait de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Hein? Le cheikh, il explique. Qu'est-ce qu'il dit? Al-aslu thani, ma'rifatu din l'islami bil adilla. Alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, amma ba'd. فقد مضى معنا الحديث مفصلا على الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها الذي هو معرفة الرب والإيمان بذاته وأسمائه وصفاته وما يجب من العبادة وذكر شيء من أنواع العبادة مع أدلتها والتي منها الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرهبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العباد من أنواع العبادات التي كلف الله سبحانه وتعالى بها المكلفين من عالم الإنس والجن. أما بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة فهو معرفة دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. Donc le cheikh il revient sur qu'est-ce qu'on a vu précédemment. Il explique qu'on a vu le premier fondement parmi les trois fondements, c'est de connaître Allah, connaître notre Seigneur, de le connaître par de connaître lui-même, d'avoir la foi en lui, en ses noms, en ses attributs, et de savoir qu'il est obligatoire de l'adorer, de mentionner, et on a mentionné certaines formes d'adoration avec leurs preuves. Et parmi ces formes d'adoration-là, on a mentionné la foi, on a mentionné l'islam, la foi, l'ihsan, al-du'a, al-khawf, al-raja, al-rahba et toutes les autres. Maintenant, le cheikh il dit qu'on va parler de la deuxième base de l'islam, deuxième degré, c'est al-iman. Hein? Bien plutôt à l'islam, ma'rifatuddin et l'islam, le deuxième pilier, pardon, le deuxième principe ou fondement de l'islam, c'est la connaissance de l'islam avec ses preuves du Coran et de la Sunna. Il dit fadinu l'islam huwa dinu jami'il mursalin. La religion de l'islam, c'est la religion de tous les messagers d'Allah. Min awwalihim Nuh alayhi salam ila khatimihim Muhammad alayhi salatu wassalam. Le premier d'entre eux qui est Noé, et le dernier d'entre eux qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Kullu rasulin min ar-rusul wa kullu nabiyyin min al-anbiya ja'a yad'u ila din al-islam bi ma'nahu ash-shar'i alladhi huwa al-istislam wa al-inqiyad lillahi bi ta'a wa al-khulus min ash-shirk. Al-khulus lahu min ash-shirk. Donc le cheikh il dit que tous les messagers d'Allah, ils sont venus avec le message de l'islam. Et ils ont tous les prophètes et tous les messagers d'Allah ont appelé à la religion de l'islam dans son sens légiféré, c'est-à-dire la soumission à Allah, l'obéissance à Allah et le fait de se désavouer et de se débarrasser du shirk et des mushrikins. ولم تختلف دعوة الرسل والأنبياء في هذا الأصل الأصيل وهو دين الإسلام دين العلم دين العمل دين العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. Le cheikh il dit qu'il n'y a pas un messager parmi les messagers ou un prophète parmi les prophètes qui a divergé dans ce fondement de base de l'islam. Il n'y en a pas deux messagers qui ont divergé là-dessus. Ils étaient tous d'accord sur ça, c'est-à-dire la religion de l'islam, la religion de la science, la religion de l'application de cette science, la religion de l'appel à cette science et la religion de l'endurance et de la patience vis-à-vis des difficultés qui viennent du fait qu'on appelle et qu'on applique cette science. Hein? Qu'on appelle à cette science et qu'on applique cette science. Et il dit وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. C'est quoi la définition de l'islam? La définition de l'islam, le cheikh il la mentionne ici. Il dit La définition de l'islam, c'est al-istislam lillahi bit-tawhid, c'est-à-dire de se soumettre à Allah par son unicité. Wal-inqiyad lahu bit-ta'a, et de se soumettre à lui par son obéissance. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, c'est-à-dire de se désavouer du shirk et des mushrikin. Pas de problème, frère, inshallah. Donc, le cheikh dit, wa hadha ta'rifun shamil lil islam bi annahu istislam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. À la prochaine, inshallah. Wa hadha ta'rifun shamil lil islam bi annahu istislam. أي خضوع وتذلل لمن يستحق الخضوع والتذلل وهو الله الذي انفرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير والتصرف المطلق في جميع مخلوقاته فلله الحمد وله الشكر والثناء الحسن. Le Cheikh il dit donc ça c'est une définition complète et global du terme islam, et que l'islam c'est le fait de se soumettre, c'est-à-dire de s'humilier, de se rabaisser à celui qui mérite l'humiliation et le rabaissement de notre part, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le seul à avoir la capacité de créer, de donner la subsistance, de contrôler le monde et de contrôler tout ce qu'il y a parmi les créatures qu'il a créées. C'est lui qui contrôle et qui dirige tout. Et c'est à lui qu'appartient la gloire, et c'est à lui qu'appartient le remerciement, et c'est à lui qu'appartient les éloges. Hein? Ensuite, il dit al-inqiyad bit-ta'a alladhi yatajalla fi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi ومتابعة رسله فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il dit de se soumettre en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça s'exprime, ça se manifeste dans le fait de montrer l'application des ordres d'Allah et le fait de s'écarter de ce qu'il nous a interdit de faire et de suivre ses messagers dans ce qu'ils ont rapporté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. حيث إنه لا يتم ولا إلا ببراء فإن من تمام التعريف بدين الإسلام الولاء والبراءة من الشرك وأهله. Ça c'est un point important, la question de الولاء والبراء. Et le cheikh il dit que il ne peut pas y avoir d'amour excepté lorsqu'il y a de la haine. Il ne peut pas y avoir de l'amour pour Allah et pour ses alliés, pour les prophètes et les messagers et les anges et les croyants, excepté s'il y a un désaveu et une haine pour le shirk et les mushrikin et le shaitan et ceux qui lui obéissent et qui le suivent. Hein? Comme on dit en français, il n'y a pas d'amour sans haine. Il y a des gens qui pensent que on doit que aimer tout et tout le monde, sans exception. Ça c'est contraire à la réalité. Même ceux qui prétendent que eux ils aiment personne, qu'ils détestent personne, ils détestent quand même des gens. Hein? Hey, naam, souvent c'est les pires. Ils disent qu'ils aiment tout le monde et finalement tu vois que tu réalises qu'ils détestent beaucoup de gens. Et parfois même ils détestent les croyants en particulier. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Donc nous on sait déjà qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas, qui on aime et qui on n'aime pas. Et pourquoi on l'aime et pourquoi on l'aime pas. Souvent quand tu demandes à des kuffar, pourquoi tu aimes quelque chose, il va te dire, je ne sais pas, parce que je l'aime. Et si tu lui dis, pourquoi tu détestes quelqu'un ou quelque chose, il va te dire, parce que je le déteste, parce que je ne l'aime pas. Je n'aime pas la face, comme ils disent les Québécois, des fois. Il va te dire, moi, je ne lui aime pas la face. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne l'aime pas, c'est tout. Non, le croyant, ce n'est pas comme ça. Il sait pourquoi il aime. Il aime les mu'minines, et il aime les croyants, et il aime les gens qui font le bien et qui ont la bonne croyance. Pourquoi? Parce qu'ils croient en Allah, parce qu'ils obéissent à Allah, et parce qu'ils font ce que Allah aime. Et toi, ton devoir, c'est d'aimer Allah et d'aimer ce que Allah aime et d'aimer ce que Allah aime. Et de détester ce que Allah déteste et de détester ceux qui font ce que Allah déteste. Et c'est aussi clair que ça et aussi simple que ça. Et ça, ça vient avec la foi. C'est un des fruits de la foi en même temps. Si tu sens que tu aimes ce que Allah déteste, alors questionne ta foi. Si tu sens que tu aimes ce que Allah déteste, remets ta foi en question. Essaie de te poser des questions à toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et si tu vois que tu aimes ce que Allah déteste ou que tu détestes ce que Allah aime, c'est un problème quelque part dans ta foi. Il faut corriger ça. Ok? Et les ulama, ils disent, il n'y a rien et personne qu'on doit aimer pour lui-même, excepté Allah. Il n'y a rien ni personne qu'on doit aimer pour lui-même, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'aimes pour Allah et en Allah, pas pour elle-même. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui, c'est pas ça qui te fait un croyant. Et c'est pas ça qui te sauve de l'enfer. L'exemple de ça et la preuve de ça, c'est Abu Talib. Hein? Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un mushrik. Il aimait le messager d'Allah. Mais il ne croyait pas en lui. Donc le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui-même, c'est pas ça qui te sauve du châtiment de l'enfer, puis c'est pas ça qui fait de toi un croyant. C'est quand tu l'aimes pour Allah, hein, et que tu crois en lui par rapport à ce qu'il a ramené de son Seigneur, là, ça fait de toi un mu'min, et c'est ça qui te sauve de l'enfer. Mais les soufis, à eux, tu vois, souvent les soufis, ils chantent le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam jour et nuit, ils dansent même sur son nom quand ils font des chansons. Hein? Ils font de la musique avec ça, puis tu les vois jour et nuit en train de chanter et d'appeler même au secours le messager d'Allah quand ils ont des malheurs. Ils font tout ce que le prophète a interdit, ils le font, puis au nom du prophète, à un tel point même que quand ils ont dit nous on fait, tu vois, ils inventent des hadiths, hein? Ils inventent des mensonges sur l'islam. Après ils disent nous on ment pas contre le prophète, on ment pour le prophète. Donc ça, c'est pour montrer comme à quel point ces gens sont des égarés. Le prophète sallam a dit man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui parle ou qui ment à mon sujet intentionnellement, qu'il a préparé sa chaise en enfer. Peu importe que tu mens pour lui ou contre lui, c'est la même chose. Tu mens. Le prophète Sansem, il a dit, ta chaise est prête en enfer. Rina, sa place, sa chaise, l'endroit où il va s'asseoir dans l'enfer. Alors, t'as pas le droit de mentir sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis le fait de chanter son nom, puis de danser sur de la musique en chantant son nom, ça va pas te sauver de l'enfer. Quand il a vu que j'ai répondu ça, il n'a rien dit par la suite, mais c'est pour dire que eux, les soufis, quand ils commencent à essayer d'attirer des gens, ils commencent tout le temps par leur raconter des histoires comme ça, à dormir debout, pour voir ta réaction. S'ils voient qu'au début tu entends ça, tu acceptes, là il va t'en donner d'autres. Mais s'ils voient tout de suite que tu es sceptique, et que tu n'acceptes pas ces histoires-là, là, il va s'abstenir. Il ne va plus t'en donner. Donc, quand il a vu notre réaction, il a vu que nous, on n'était pas dans ce... On n'acceptait pas ce genre d'histoire. Eh bien, après, il s'est abstenu. Et moi, je me souviens, quand les Jamaat Tabligh venaient à la mosquée et qu'ils faisaient leur bayan, je les entendais faire leur bayan. Et quand ils parlaient, chaque fois qu'ils racontent une de ces histoires, tout de suite, il y a des gens dans le groupe qui sont assis, et là, ils disent « Allahu Akbar !» Allahu Akbar, comme, c'est comme il encourage les autres. Allez, dis Allahu Akbar toi aussi, comme si pour te mettre dans l'action là, pour te mettre, c'est ça, pour comme essayer de t'encourager à participer dans leur enthousiasme. Alors qu'en réalité, yani, si tu prends 2 secondes pour réfléchir, tu vois que ça fait pas de sens. Yani. Il y en a un, une fois, il racontait les histoires, il dit. Quand les sahaba faisaient la prière dans une mosquée, quand ils faisaient le takbir, le toit de la mosquée sautait. Tu vois? Il y en a un autre, une histoire, il racontait qu'un des chefs de Jamaat Tabligh rentrait dans l'eau pour se laver ou pour se baigner. Il y a un crocodile ou un alligator qui est venu. Il a commencé à se battre avec l'alligator. L'alligator a dit, comme si il a parlé à l'alligator, il a dit à l'alligator... Si tu me manges, qui est-ce qui va appeler les hommes à l'islam? Donc il n'y aura plus de da'wah. Et là, l'alligator, il l'a laissé, il est parti. Ou bien des histoires, je ne sais pas, il y a des choses, des fois, il raconte. C'est des choses complètement fausses. Et tu te rappelles, je ne sais pas, une fois, j'étais avec Mustapha, on a rencontré un des jeunes tabliris à Montréal, commençait à nous parler. Il a raconté une histoire sur Abu Bakr, je ne me rappelle plus c'était quoi. Il a fait avec un âne, il a dit l'âne connaît mieux l'islam qu'Abu Bakr ou je sais pas quoi. Il y en a des histoires de folies. Je lui ai dit, tu vois, tu racontes des histoires comme ça, ramène-moi, dis-moi dans quel livre tu as lu ça. Et c'est quoi la chaîne de transmission? Est-ce qu'il est authentique ou non? Il m'a revu après quelques je sais pas combien de mois, et puis il a dit. J'ai vérifié l'histoire que tu m'avais dit, finalement, c'était pas Abu Bakr Siddiq. C'était un autre qui s'appelle Al-Junaid ou je ne sais pas quoi. Un soufi. Hein? Et encore là, est-ce que c'était vraiment authentique? Allahu A'lam. Donc c'est pour dire, ces gens-là, ils sont réputés pour raconter n'importe quoi. Et donc il faut faire très attention. Tout ce que ces gens-là racontent, souvent c'est des mensonges. Mais c'est pour dire, pour revenir à ce que le cheikh explique, Al-Bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Que dans l'islam, si tu es un mu'min, un musulman, tu dois te désavouer du shirk et des mushrikines, des gens qui commettent le shirk. Le shaykh dit فَإِذَا وَجَدْتَ اللَّهِ عَفْوًا فَإِذَا وَحَدْتَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيُّهَا الْمُكَلَّفِ فَعَلَيْكَ أَن تَتَبَرَّأْ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ هُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَأَعْدَاءُ الرُّسُلِ وَأَعْدَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لا تجوز محبتهم ولا مودتهم ولا نصرتهم على أحد من المسلمين وإنما يجب بغضهم وعداوتهم والبراءة منهم عملا بنصوص الكتاب والسنة ونصوص صحيح السنة وعملا بنصوص الكتاب ونصوص صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, si tu as unifié Allah Tabaraka wa ta'ala, ô toi qui es mukallaf, c'est-à-dire qui tu as atteint la puberté, tu as la raison, hein, tu as accepté l'islam, tu es mukallaf, alors tu dois, après avoir unifié Allah, tu dois te désavouer du shirk et des mushrikin. Parce que ils disent ceux qui sont les ennemis d'Allah, et les ennemis de ses messagers, et les ennemis des croyants. Il y a des gens qui pensent que si tu es un musulman, tu ne dois pas avoir aucun ennemi. Et même souvent, ces gens-là, tu leur demandes c'est quoi le shirk, ils ne le savent pas. Parce qu'ils n'ont pas appris la religion. Le shirk, il dit tu dois te désavouer du shirk et des mushrikin. Ceux qui sont les ennemis d'Allah, eux, ils ne croient pas qu'Allah a des ennemis. Mais Allah, il a des ennemis. Et ils sont les ennemis des messagers et les ennemis des croyants. Tu n'as pas le droit de les aimer. Tu n'as pas le droit de les défendre contre les croyants. Et tu dois les détester. Et tu dois avoir de l'animosité envers eux. Et tu dois te désavouer d'eux. Yani, pour agir selon les textes du Coran et de la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne la question de Al-Wala wa Al-Bara, j'ai donné des cours sur Al-Wala wa Al-Bara on a fait un livre qui s'appelle Haqiqatul Wala et Wal Bara fil Kitab wa Sunna. Je pense que on a fait, si je me souviens bien, je pense qu'on a fait même 36 cours ou plus sur Al-Wala Wal-Bara, et on a détaillé les questions sur Al-Wala Wal-Bara et les conditions de Al-Wala Wal-Bara et les principes d'Al-Wala Wal-Bara, et on a réfuté les extrémistes dans la question de Al-Wala Wal-Bara parmi les Khawarij et parmi les Murji'a. Les Khawarij qui disent que quand on dit que ils pensent que quand on dit qu'on doit se désavouer du shirk et des mushrikin, ils pensent que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir aucune interaction avec eux. Donc tu peux rentrer. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils pensent que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir aucune interaction avec aucun mushrik. Et que si tu as une interaction quelconque avec les mushrikin, que ça veut dire que tu deviens un mushrik toi aussi. Hein? Comme par exemple les pays musulmans, quand ils ont des interactions politiques et économiques ou diplomatiques, des relations diplomatiques avec des kuffars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des alliances avec des juifs, il faisait des alliances avec des chrétiens, il faisait des alliances avec des mushrikines, même que parfois, dans certaines guerres qu'il a faites, quand il combattait des mushrikines, des fois il a combattu des mushrikines avec l'aide des mushrikines. Et ça, c'est permis. Et ce n'était pas interdit. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait selon qu'est-ce qui était besoin et selon qu'est-ce qui était nécessaire. Et tout ça, ça a été clarifié, expliqué par les ulama. Mais il y a les khawarij, eux, ils ne connaissent pas ces principes-là. Alors, ils s'imaginent que du moment que tu prends l'aide des mushrikines, tu deviens mushrik, kafir, tu sors de l'islam. Si tu as des interactions économiques avec les mushrikines, c'est un kafir pour eux. Hein? Et ça, c'est des preuves de leur ignorance et de leur égarement. Et on a ramené toutes les preuves de ça dans le Coran et dans les hadiths et dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans... Donc, ça c'est à propos de ça. Puis il y a l'autre extrême des Murji'a et des Soufia qui disent non, c'est pas grave, tu peux aimer tout le monde, il n'y a pas de différence entre les croyants et les non-croyants, les musulmans et les non-musulmans, on est tous pareils. Non, ça c'est de l'égarement. Celui qui dit que les gens du livre sont des chrétiens, les chrétiens et les juifs sont des croyants, que ce ne sont pas des koufars, eh bien, eux-mêmes sont des koufars. Non. Parce que les ulama, ils ont dit « Man lam yukaffir al-mushrikin au shakka fi kufrihim fahuwa minhum, fahuwa mithluhum. » Hein? « Fahuwa kafir. » Celui qui dit que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars, ou bien qu'ils doutent de leur mécréance, alors il est kafir lui aussi. Non. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم ou il justifie, il approuve de leur voix. Il dit oui, leur religion elle est bonne. Il est kafir lui aussi. Non. Donc tu dois croire que les juifs et les chrétiens sont des koufars, hein? Et même les hindous et les bouddhistes et les autres idolâtres et mushrikines, la même chose. ensuite, donc tu n'as pas le droit de les aimer. Quand on dit tu dois les détester, les ulama ont dit tu dois les détester pour Allah, pour leur kufr, pour leur shirk. Si tu aimes un kafir, mais tu ne l'aimes pas pour sa religion, par exemple, un musulman, il aime un joueur de football kafir. Pas parce qu'il est chrétien, ou pas parce qu'il est juif, ou pas parce qu'il adore Jésus ou Marie, ou pas parce qu'il est un mécréant, mais il l'aime juste parce qu'il est bon à jouer au ballon. Ça, c'est pas kufr. Ça, ça fait pas sortir de l'islam. Qu'est-ce qui fait sortir de l'islam? C'est si tu l'aimes par son kufr ou par son shirk. Ou quand un musulman, il attaque un autre musulman où il aide un kafir contre un musulman pour quelque chose de la dunya, pas pour l'islam, pas parce qu'il aime le kufr ou le shirk, mais parce qu'il aime, il veut quelque chose de la dunya. Le musulman lui a enlevé quelque chose qui lui appartient, il va avec les kuffars pour reprendre qu'est-ce qu'il veut pour la dunya, pas pour l'islam, pas parce qu'il ne croit pas en l'islam, ou pas parce qu'il aime les mushrikines pour leur kufr et leur shirk. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Même si c'est quelque chose qui peut-être, il y en a, c'est considéré que parmi les péchés, hein, d'aimer les koufars, les mushrikines, même pour la dunya, ça peut rentrer dans les péchés. Mais, ça ne fait pas sortir de l'islam. Ça, c'est la même chose. Ça, le Cheikh, il y a une parole de Cheikh Oussama Al-Utaybi à ce sujet-là. Déjà, il faut prendre en considération, moi je ne veux pas m'attarder là, sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est grand et qui me dépasse personnellement. C'est des questions qui ont rapport avec les pays, les dirigeants et les ulama. C'est eux qui traitent de ces questions-là. Puis, nous, on prend en considération qu'on vit dans un monde actuellement où les koufars, c'est eux qui ont le pouvoir militaire et politique et économique sur les musulmans et sur les autres aussi. Et c'est eux qui décident. Ils ont des bases militaires, pas seulement dans les pays musulmans. Ils ont des bases militaires en Europe, en Asie, partout. Et ils décident. S'ils veulent mettre une base quelque part, ils la mettent. Qui va les empêcher? Donc il faut voir les situations de faiblesse et les situations de force. Et les musulmans, ils prennent ça en considération. Si tu es fort, c'est toi qui décides. Si tu es faible, c'est pas toi qui décides, c'est les autres qui décident à ta place. Exactement, il y a des ententes politiques, il y a des ententes internationales. Et les musulmans, ils prennent en considération ça aussi. Il y a des ententes entre les musulmans et les non-musulmans. Et des ententes de paix, il faut les respecter. Il y a des versets qui parlent de ça. Même dans Sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit... وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. C'est-à-dire, si les croyants qui sont faibles parmi les musulmans qui sont faibles à Mecca, qui vivent parmi les mouchriquins, vous appellent à l'aide, ils demandent de venir les aider dans la religion, alors vous devez les aider, sauf contre un peuple mécréant avec lequel vous avez une entente de paix. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de venir à leur aide dans cette situation-là. Vous devez respecter l'entente de paix que vous avez avec ces koufars. Donc, il y a aussi les cas où, par exemple, ton père est un kafir, mushrik. Malgré ça, tu dois agir bien avec lui. Ta mère est une mushrika, tu dois agir bien avec elle et lui obéir dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et s'il te force à associer avec moi ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et accompagne-les dans la dunya. Sois un bon compagnon pour eux dans la dunya et agis bien avec eux. Si tu as une femme, par exemple, qui est chrétienne, on a le droit de marier une chrétienne, on a le droit de marier une juive. Hein? Tu la détestes pour Allah parce que c'est une juive, mais tu l'aimes parce que c'est ta femme, hein? Dans le sens que tu l'aimes par rapport à qu'est-ce qu'un homme aime de sa femme, hein? C'est physique, c'est biologique, c'est attirance. C'est pas pour l'aimer par rapport à son kufr ou son shirk, parce que si tu l'aimes pour son kufr et son shirk, tu deviens mushrik et kafir comme elle. Et il y a d'autres exemples aussi, comme comment je pourrais dire, il y a des exemples qui sont mentionnés aussi dans la sunna qui ne me viennent pas à la mémoire maintenant. Il y en a plusieurs. Ça peut dans certains cas tomber dans le péché, ça peut être rentré dans qu'est-ce qui est d'aimer un mushrik ou un kafir pour quelque chose de la dunya, ça peut rentrer dans qu'est-ce qui est péché aussi. Mais toi tu parles des parents par exemple, le père et la mère, c'est qu'est-ce que les ulama appellent comme al-hubb al-tabi'i, l'amour naturel. Ça c'est quelque chose qui fait partie de la fitra, c'est quelque chose qu'Allah a mis en l'homme d'aimer ses parents. Donc c'est pas quelque chose qui est religieux ça. Et ça, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais là, moi, je parle de l'exemple, quelqu'un qui aime un kafir, qui n'est pas dans sa famille, mais pour quelque chose de la dunya. Hein? Si c'est quelque chose de haram qu'il fait, et que le musulman l'aime pour cette chose haram qu'il fait, dans ce cas-là, ça, c'est haram. C'est clair. Mais si c'est quelque chose qui est mubah, qui n'est pas haram, dans ce cas-là, ça se peut que ce ne soit pas haram nécessairement, mais ça peut l'amener à l'aimer ce kafir-là pour autre chose. Parce que l'amour, ça commence comme ça. T'aimes quelqu'un pour quelque chose de la dunya, ça se développe jusqu'à ce que par la suite, tu commences à l'aimer pour d'autres choses que la dunya. Puis il t'amène dans ses idées, dans ses croyances, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être par la suite. Puis ça peut t'amener même au kufr par la suite. Non. Tu sais, quand, là, comme, Inch'Allah, demain après le Maghrib, on va finir le petit livre de Cheikh Mohamed Aman. Mais après qu'on finit ce livre, il n'est pas long. Mais quand elle finit, on va commencer le Sharh de Iqtida Sirat al-Mustaqim de Ibn Taymiyyah, qui parle justement de la ressemblance aux kuffar et aux mushrikin et les preuves de l'interdiction d'imiter les kuffar. On va commencer ce livre-là. Ça fait longtemps que je voulais le faire, mais c'était pas le moment encore. Mais là, on va le commencer, Inch'Allah. Et puis, vous allez voir que c'est très très important, surtout nous qui vivons dans ce pays-là. Inch'Allah. Donc, pour Al-Wala ou Al-Bara, je pense que ça résume un petit peu la question. Et c'est important de comprendre ça pour éviter de tomber dans les extrêmes à propos de ce sujet-là, mais c'est fondamental de le connaître. Le cheikh il dit wa bi janibi dhalika la yajuzu al-i'tida 'alayhim wal ghadar bihim wala al-ghadar bihim wala safku dima'ihim illa ma adhina fihi ash-shar'. Il dit, mais d'un autre côté, en même temps, on doit détester les kuffar et les mushrikin. On doit se désavouer d'eux, mais en même temps, on n'a pas le droit de transgresser contre eux. Et on n'a pas le droit de les trahir lorsqu'on a une entente avec eux. Et on n'a pas le droit de faire couler leur sang. Et on n'a pas le droit de faire rien de ces choses-là, sauf dans ce que la charia a permis. Ça réfute les khawarij à notre époque, qui, eux, prétendent, au nom de Al-Wala ou Al-Bara, vouloir légitimer le fait de faire des attentats terroristes. Légiférer ou légitimer les attentats terroristes, les attentats kamikazes, hein, et ainsi de suite, au nom de l'islam, au nom du djihad. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein? Donc on clarifie ça en même temps pour qu'ils sachent, parce que eux, ces gens-là, les koufars, en ce moment, on sait qu'ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Et il mélange les musulmans pratiquants avec les musulmans extrémistes. Les musulmans extrémistes, il les appelle des radicaux, des intégristes, des salafistes, des je sais pas quoi, des terroristes même parfois. Donc il mélange tous les noms. Même que des fois ils utilisent un même terme pour qualifier un extrême et son opposé. Bon, les médias c'est eux. C'est eux les médias. C'est comme quand j'avais parlé avec un cheikh une fois, j'ai dit j'ai eu des problèmes avec les médias parce que les médias ils parlaient de moi ils disaient des choses à mon sujet parce que j'appelle à l'islam. Et le cheikh il a répondu, il a dit, à chaque époque les médias ils ont toujours donné des problèmes aux prophètes. Et à l'époque de Nour, il y avait des problèmes avec les médias aussi. Et à l'époque d'Ibrahim, il y avait des problèmes avec les médias. Et à l'époque de Moussa, à l'époque d'Issa, à toutes les époques, c'est la même chose. Sauf que les médias, bon, il a différentes formes. Mais je pensais à ça aujourd'hui, justement, je me dis, mais subhanallah, Pourquoi il voulait tuer Isa alayhi salam? Isa, il a même pas, il n'a même pas rien fait. Il n'a même pas rien fait, yani, pour mériter qu'on veuille le tuer. Et malgré tout, il voulait le tuer. Et tu vois ici les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils croient en Jésus, qu'ils sont catholiques ou qu'ils croient en la religion de Jésus. Si Jésus aujourd'hui venait là, qu'est-ce qu'il dirait à Jésus? Il dirait à Jésus, mets-toi tes affaires, nous on a la charte ici là, laïque, on veut rien entendre de ta religion. Hein? C'est ça ce qu'il dirait à Jésus? Ils ne vont pas le reconnaître. Alors qu'ils prétendent le croire en lui puis le suivre. Il allait dire quoi à Jésus? Écoute, garde ta religion pour toi chez toi, pratique ta religion chez toi. Viens pas pratiquer la religion en public ou parler de Dieu en public. Jésus, yani Isa alayhi salam, même dans leur livre aujourd'hui, il parlait aux gens dans les assemblées, il rassemblait des masses de gens qui venaient l'écouter pour entendre sa parole. Les Juifs n'aimaient pas ça, donc ils ont tout fait pour l'arrêter, tu vois. Et ils ont fait ça à d'autres prophètes aussi. Allah, il dit dans le Coran que chaque fois un prophète venait avec ce que c'était pas en accord avec leur passion, ils voulaient les tuer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous vient avec ce que votre âme n'accepte pas, il y en a ce qui n'est pas d'accord avec vos passions, vous vous enflez d'orgueil et vous en tuez une partie, et l'autre partie, vous les traitez de menteurs, une partie, et l'autre partie, vous les tuez. C'est ça la réalité de ces gens-là, Lamstein. Et les gens, ils agissent comme ça envers les prophètes. Les koufars, ils agissent comme ça envers les prophètes, et ils agissent comme ça envers ceux qui suivent l'exemple des prophètes, qui parlent de l'islam, qui appellent les gens à l'islam. Ils agissent de la même façon avec eux aussi. Je me rappelle, il n'y a pas quelques années, Cheikh Al-Luhaydan, Salih Al-Luhaydan, il a fait une fatwa. Et Cheikh Al-Luhaydan, c'est le juge en chef de la Cour suprême de l'Arabie Saoudite. C'est pas n'importe qui. Il sait qu'est-ce qu'il dit quand il parle. Hein? Il ne fait pas des fatwas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui fait les chaînes satellites, la télévision, là. Ces gens-là, il a dit, c'est des criminels, ils méritent d'être tués. Ils méritent d'être exécutés. Les médias ont pris cette fatwa, ils l'ont déformée, ils ont dit, ah, regardez, Cheikh Al-Luhaydan, il appelle aux assassinats et à faire des meurtres et à tuer les propriétaires de chaînes satellites. Alors, là, franchement, yani, le Cheikh, il a clarifié, et il y a d'autres machaires aussi qui ont pris sa défense et qui ont expliqué, non. Le Cheikh, il ne veut pas dire ça. Et même Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, il a expliqué dans une fatwa détaillée, il a expliqué que lui, le Cheikh, déjà pour faire exécuter quelqu'un en Arabie Saoudite, il faut qu'il y ait 13 muftis, 13 alim qui signent avant. Après, c'est le roi en dernier qui signe son nom pour que la personne soit exécutée. 13 savants. C'est pas quelqu'un comme ça, on va dire, ah, ok, lui. Ça, c'est après qu'il soit jugé devant le juge, dans la cour. Après, pour qu'on accepte que la personne soit exécutée, il y a 13 savants qui doivent signer avant pour accepter ça. C'est pas, tu vas dire que le juge en chef de la Cour suprême de l'Arabie Saoudite, il dit, allez tuer les gens des chaînes téléphoniques, de chaînes satellites, et puis les gens vont faire ça. Non, c'est pas comme ça. Et la même chose ici, quand on parle par exemple des peines islamiques ou des choses comme ça, un des journalistes qui a parlé par exemple, quand j'ai parlé par rapport à la peine pour les homosexuels, il a dit, lui il est pour la décapitation des homosexuels. Est-ce que moi j'ai dit aux musulmans, allez dans la rue quand vous voyez des homosexuels, attrapez-les puis coupez-leur la tête? Hein? Il n'y a personne qui dit ça. n'y a aucun savant de l'islam qui dit ça. On sait que dans l'islam, ça c'est des peines qui sont marquées dans la charia. On doit y croire parce que ça fait partie de l'islam, c'est dans le Coran et dans la Sunna. On doit les accepter, mais en même temps, on n'a pas le droit de les appliquer nous-mêmes. Ça, c'est des choses qui reviennent aux dirigeants dans les pays musulmans. Quand quelqu'un est jugé, eh bien, il applique ces peines-là. Ouais, ok, ok, on continue, Inch'Allah. On va arrêter, on a presque fini. Le Cheikh dit ensuite, والدين كله مراتب ثلاث وقد مضى التنويه على المراتب الثلاث وأنها هي المنصوص عليها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة أمر دينها فسأله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان والساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه في كل ذلك بالجواب الشرعي ولما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعني لتسمعوا فتعلموا لتسمعوا فتعلموا فتعلموا فانتشر العلم أو فانتشر العلم على طريقة الرسل والأنبياء أي نعم. ولهذا قال النبي قال المصنف رحمه الله بعد تعريف الإسلام قال وهو ثلاث مراتب الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. Donc le cheikh il dit que la religion elle est composée de trois degrés. Et on a parlé de ces trois degrés-là dans les cours précédents. On a expliqué que c'est tel que ça a été expliqué dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, qu'on appelle le hadith de Jibril, qui est très célèbre, qui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la visite de Jibril et qu'il est venu pour enseigner aux musulmans la religion. Et il lui a demandé au sujet des piliers de l'islam. Et il lui a expliqué. Et les piliers de la foi, il lui a expliqué. Et le pilier de Al-Ihsan, il lui a expliqué. Et au sujet de l'heure, quand est-ce que va venir l'heure? Et il l'a expliqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à chacune de ces questions en clarifiant, selon la charia, yani, les réponses de ces différents degrés-là. Puis, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, « Savez-vous qui est cette personne ?» Et ils ont dit, « Allah et son messager, c'est mieux ?» Et il a dit, « C'est Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. » C'est-à-dire, pour que vous entendiez, pour que vous appreniez, et pour que vous, par la suite, que vous enseigniez aux autres, et que vous propagiez la science selon la voie des messagers et des prophètes. Et c'est pour ça que l'auteur du livre, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il dit que la religion, elle est composée de trois degrés, l'islam, la foi et l'ihsan. L'ihsan, c'est le pilier de l'ihsan, c'est « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » C'est-à-dire que tu adores Allah comme si yani, tu le voyais. Mais si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors lui, il te voit. Lui, il te voit. Donc ça, c'est Al-Ihsan. C'est l'excellence dans la foi. L'excellence de la foi. Parce que tu adores Allah avec la foi, mais en même temps, à chaque mouvement, à chaque instant, tu restes conscient que Allah t'observe, que Allah te surveille. Donc tu le fais encore mieux que tu le ferais en temps normal. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Ihsan. Quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es conscient que tu le vois et qu'il te voit, tu vas le faire encore mieux que si tu le faisais normalement. Donc c'est ça Al-Ihsan. Des fois on fait des adorations puis on n'est pas toujours concentré à 100% dans notre adoration, malheureusement. On fait des adorations puis parfois on n'est pas toujours conscient du regard d'Allah sur nous pendant qu'on a fait cette adoration là. Donc, c'est pour ça que la foi, elle a des degrés. Et l'ihsan, c'est un degré, un des plus élevés parmi les degrés de la foi. Naam. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.